Chapitre 56. Le mérite de la faim, d'une vie simple et austère dans le manger, le boire et l'habillement, et de ne pas suivre ses passions. Allah Ta'ala dit: Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés. Sourate 19, verset 59-60. Il sortit vers son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent: « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée, il a été doté certes d'une immense fortune. » Tandis que ceux auxquels le savoir avait été donné dirent: « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. » Sourate 28, verset 79-80. Puis, assurément, vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Sourate 102, verset 8. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Sourate 17, verset 18. 491. Aïcha radiallahu anha a dit: la famille de Muhammad, alayhi salatu wassalam, n'a jamais mangé du pain d'orge à sa faim 2 jours consécutifs jusqu'à sa mort. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, depuis son arrivée à Médine, la famille de Muhammad n'a jamais mangé du pain de froment à sa faim 3 jours d'affilée jusqu'à sa mort. 492. Selon Urwa, Aïcha, radiyallahu anha, lui a dit: par Allah, mon neveu, il nous arrivait de voir un croissant de lune, puis un autre, et encore un autre, soit 3 croissants de lune en 2 mois, sans qu'un feu soit allumé pour faire la cuisine dans les maisons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Je lui demandais: ô tante, de quoi vous nourrissiez-vous alors? Elle répondit: des 2 aliments noirs, les dattes et l'eau. Mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait également des voisins parmi les Ansar qui lui envoyaient du lait de leur chamelle ou de leur brebis et dont il nous donnait à boire. Al-Bukhari et Muslim. 493. Selon Abu Sa'id al-Maqburi, Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporta qu'il passa un jour près d'un groupe de gens assis devant un agneau rôti. Ils l'invitèrent à se joindre à eux, mais il refusa et dit: « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quitta ce monde sans avoir mangé à sa faim, ne serait-ce que du pain d'orge. » Al-Bukhari. 494. Anas, radiyallahu anhu, a dit: « Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais mangé sur une table ou un plateau, ni goûté aux galettes de pain tendre jusqu'à sa mort. » Al-Bukhari. Dans une autre version d'Al-Bukhari, et il n'a jamais vu de ses yeux un agneau rôti. 495. An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, a dit: j'ai vu votre prophète, alayhi salatu wassalam, ne trouvant pas même des dattes de mauvaise qualité pour se remplir le ventre. Muslim. 496. Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a jamais goûté au pain blanc depuis qu'Allah Ta'ala l'a envoyé aux hommes, et ce jusqu'à sa mort. On lui demanda: vous n'aviez rien pour tamiser la farine du temps du messager d'Allah? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'a jamais vu de tamis depuis qu'Allah Ta'ala l'a envoyé aux hommes, et jusqu'à sa mort, répondit-il. Comment pouviez-vous manger de l'orge non tamisé? Lui demanda-t-on. On le moulait, puis on soufflait dessus pour en chasser ce que l'on pouvait comme déchet, puis on le pétrissait. Al-Bukhari. 497. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sortit un jour et rencontra Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Il leur demanda: pourquoi êtes-vous sortis de chez vous à cette heure? Ils répondirent: à cause de la faim, ô messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, moi aussi je suis sorti pour cette raison. Venez avec moi. Ils se levèrent donc et se rendirent ensemble chez un ansar qu'ils ne trouvèrent pas chez lui. Lorsque l'épouse de ce dernier vit le prophète alayhi salatu wassalam, elle s'exclama, sois le bienvenu. Le prophète sallallahu alayhi wasallam lui demanda où se trouvait son mari. Elle répondit, il est allé chercher de l'eau à boire. L'homme arriva enfin et en voyant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et ses deux compagnons, il s'exclama, Allah soit loué, personne aujourd'hui n'est plus honoré que moi par ses invités. Puis il s'en alla et revint avec un régime de dattes, où se trouvaient à la fois des dattes à peine mûres, des dattes sèches et fraîches. Il les invita à manger, puis prit un couteau pour égorger une bête, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, n'égorge surtout pas celle qui donne du lait. L'homme égorgea un mouton dont ils mangèrent ainsi que des dattes et ils burent. Lorsqu'ils eurent mangé à leur faim et bu à satiété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr et Omar, « Par celui qui tient mon âme dans sa main, vous serez interrogés sur ses délices le jour de la résurrection. La faim vous a fait sortir de chez vous et vous n'y êtes retournés qu'après avoir goûté à ses délices. » Muslim. 498. Khalid ibn Omar al-Adawi rapporte. Utba ibn Razwan, le gouverneur de Bassora, nous fit un prêche dans lequel il commença par louer et glorifier Allah. Puis il dit, ce monde nous annonce que sa fin est proche. Ce qu'il en subsiste ressemble à ce qu'il reste au fond du récipient comme boisson et que l'on récupère. Et vous allez le quitter pour une demeure éternelle. Emportez donc avec vous ce qui vous sera le plus bénéfique. Car nous avons été informés par le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il faudrait plus de 70 ans à la pierre jetée du bord de l'enfer pour en atteindre le fond. Et par Allah, malgré cela, il se remplira. Cela ne vous étonne-t-il pas? Nous avons également été informés par le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il faudrait 40 ans pour parcourir la distance séparant les deux montants de l'une des portes du paradis. Et en dépit de cela, il viendra un jour où une foule immense s'y pressera en masse. Je me suis retrouvé dans un groupe de 7 personnes comprenant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne trouvant à manger que les feuilles des arbres au point que des plaies se formaient aux commissures de nos lèvres. J'ai trouvé à cette époque une bourda, manteau de laine rayé sans manches, équivalent au burnous du Maghreb mais sans capuche. Une bourda que j'ai coupée en deux. J'en ai utilisé une moitié comme izar, comme pagne, et j'ai donné l'autre à Sa'd ibn Malik, radiyallahu anhu, qui en fit de même. Et voilà qu'aujourd'hui, il n'y a personne parmi nous qui n'ait obtenu un poste de gouverneur d'une ville. Je cherche donc refuge auprès d'Allah pour ne pas être grand à mes yeux et petit auprès de lui. Muslim. 499. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, rapporte. Aïcha, radiyallahu anha, nous montra un habit et un izar, un pagne, au tissu grossier, en disant, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, portait ces deux vêtements lorsqu'il est mort. Al-Bukhari et Muslim. 500. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, a dit, je suis le premier arabe à avoir tiré une flèche au djihad. Nous étions parfois en expédition militaire en compagnie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avec pour seule nourriture des feuilles de hubla et de samour, deux types d'arbres à épines, qui rendaient nos excréments secs comme ceux des moutons. Al-Bukhari et Muslim. 501. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, ô Allah, n'accorde à la famille de Muhammad que ce qui lui assure sa subsistance. Al-Bukhari et Muslim. 502. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte. Par Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, il m'arrivait de m'allonger en appuyant mon ventre sur le sol. Et parfois, j'attachais une pierre sur mon ventre pour ne pas sentir la faim. Je m'assis un jour sur le chemin que les habitants de Médine empruntaient lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, passa devant moi. Il me sourit quand il me vit et devina à mes traits l'état dans lequel je me trouvais. Il me lança « Ô Abu Hir !» Je lui répondis « À tes ordres, ô messager d'Allah !» Il me dit « Suis-moi !» Il partit et je le suivis. Arrivé devant chez lui, il entra. Après m'avoir annoncé, il me fit entrer. Il trouva du lait dans une tasse et demanda « D'où vient ce lait ?» On lui dit « Un tel te l'a offert. » Il me dit « Ô Abu Hir !» Je lui dis « À tes ordres, ô messager d'Allah !» Il me dit « Va chercher les gens de la Souffa, partie de la mosquée du prophète où vivaient les pauvres. » Les gens de la Souffa étaient les hôtes de l'islam. Ils n'avaient ni famille, ni argent, ni personne pour subvenir à leurs besoins, et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, recevait une aumône, il la leur envoyait, sans rien en laisser pour lui-même. Par contre, lorsqu'il recevait un cadeau, il en prenait une partie et leur envoyait le reste. L'ordre du prophète, sallallahu alayhi wasallam, me contraria. Car je me disais, comment cette quantité de lait pourra-t-elle suffire aux gens de la Souffa? Je méritais plus que de boire ce lait afin de reprendre des forces. Or, lorsqu'il viendrait, je devrais les servir. Qu'allait-il me rester de ce lait? Mais je devais obligatoirement obéir à Allah et à son messager. Je me rendis donc auprès d'eux et les invitai de la part du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils vinrent et s'installèrent dans la maison après avoir demandé la permission d'entrer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Ô Abu Hir !» Je lui dis « À tes ordres, ô messager d'Allah !» Il me dit « Prends le lait et serre-les. » Je pris la tasse et commençai à les servir un par un, chacun buvant à satiété, puis me rendant la tasse que je tendais au suivant. Arriva le tour du prophète, alayhi salatu wassalam. Il prit la tasse, me regarda et sourit en disant « Ô Abu Hir !» Je répondis « À tes ordres, ô messager d'Allah !» Il dit « Il ne reste que toi et moi. » Je lui dis « Tu as raison, ô messager d'Allah !» Il me dit « Assieds-toi et bois. » Je m'assis et bus. Il répéta « Bois !» et je bus encore. Il ne cessa de me dire de boire jusqu'à ce que je lui réponde « Non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'en peux plus. » Il dit « Donne-la-moi. » Je lui tendis la tasse dont il but ce qu'il restait de lait, après avoir loué Allah et avoir dit « Bismillah, au nom d'Allah. » Al-Bukhari 503. D'après Muhammad ibn Sirin, Abu Huraira radiallahu anhu a dit « Il m'arrivait de m'évanouir et de m'écrouler entre le minbar du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et la chambre de Aisha radiallahu anha. Celui qui passait par là posait alors son pied sur mon cou, pensant que j'étais possédé, alors que j'étais seulement affamé. » Al-Bukhari 504. Aisha, radiallahu anha, a dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, mourut alors que son armure se trouvait en gage chez un juif contre 30 sars d'orge. » Un sar équivaut environ à 3 kilos. Al-Bukhari et Muslim. 505. Anas radiallahu anhu a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam mit son armure en gage contre de l'orge, et je lui ai porté du pain d'orge et de la graisse rance. Je l'ai entendu dire « La famille de Muhammad n'a jamais conservé ne serait-ce qu'un sar de céréales plus d'une demi-journée, sachant qu'ils étaient 9 foyers. » Al-Bukhari 506. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte « J'ai vu 70 hommes de la Souffa, les compagnons pauvres qui vivaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Pas un seul ne portait un haut de vêtement, rida, mais seulement un pagne, izar, ou une simple étoffe qu'ils nouaient autour du cou et qui, pour certains, leur arrivait au milieu du tibia et pour d'autres, au niveau des chevilles. Ils le retenaient alors de la main, de crainte que n'apparaissent leurs parties intimes. » Al-Bukhari 507. Aisha radiallahu anha a dit « Le matelas du messager d'Allah alayhi salatu wassalam était en cuir rembourré de fibres de palmier. » Al-Bukhari 508. Ibn Omar radiallahu anhuma rapporte Nous étions un jour assis en compagnie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, quand un Ansar arriva et le salua. Au moment où l'Ansar se tourna pour partir, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'interpella. « Oh, frère Ansar, comment va mon frère, Sa'd ibn Ubada ?» Il répondit, « Il va bien. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda, « Qui veut se rendre à son chevet ?» Puis il se leva et nous le suivîmes. Nous étions une dizaine, sans sandales, ni rouf, chaussettes en cuir, sans rien à se mettre sur la tête, ni qamis, tunique longue, alors que nous marchions sur ces terres salines. Lorsque nous arrivâmes chez lui, sa famille s'écarta, permettant ainsi au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et à ses compagnons de s'approcher de lui. Muslim. 509. Selon Imran ibn al-Hussein, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Les meilleurs d'entre vous sont mes contemporains, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui les suivront. » Imran dit, je ne sais pas si le prophète l'a répété deux ou trois fois. Puis viendront des gens qui témoigneront sans y être invités. Ils trahiront et ne seront pas dignes de confiance, et ils feront des vœux qu'ils ne rempliront pas. L'obésité apparaîtra parmi eux. Al-Bukhari et Muslim. 510. D'après Abu Umama, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Ô fils d'Adam, il vaut mieux pour toi donner généreusement ce qui excède tes besoins, car le conserver est un mal. Mais tu ne seras jamais blâmé pour avoir gardé ce qui te permet de subsister. Et commence par ceux qui sont à ta charge. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 511. D'après Ubaydullah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatami, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui se retrouve au matin en toute sécurité, en bonne santé et disposant de la subsistance de sa journée, c'est comme si le monde entier lui appartenait. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 512. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « A certes réussi celui qui est devenu musulman, qui ne dispose que du strict nécessaire pour vivre, et qu'Allah a rendu satisfait de ce qu'il lui a accordé. » Muslim. 513. Abu Muhammad Fadwala ibn Ubaid al-Ansari, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Bienheureux, Touba, qui est aussi le nom d'un arbre du paradis. Bienheureux celui qui a été guidé à l'islam, qui vit avec le strict nécessaire et s'en contente. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 514. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporte « Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passait parfois plusieurs nuits d'affilée le ventre vide, sa famille ne trouvant pas de quoi dîner. Et il mangeait principalement du pain d'orge. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 515. D'après Fadwala ibn Ubaid, radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dirigeait la prière en commun, il arrivait à certains hommes, les pauvres de la Soufa, de s'écrouler à terre à cause de la faim. Les bédouins pensaient alors qu'ils étaient possédés, majnoun. Après la salat, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se tournait vers eux et leur disait « Si vous saviez ce qui vous attend auprès d'Allah Ta'ala, vous souhaiteriez voir augmenter votre misère et votre faim. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 516. Abu Karima, al-Miqdam ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « L'homme ne remplit pas de pire récipient que son ventre. Il lui suffit pourtant de manger quelques bouchées pour vivre. » S'il doit vraiment manger plus, alors qu'il réserve un tiers de son ventre à sa nourriture, un tiers à sa boisson et un tiers pour sa respiration. At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 517. D'après Abu Umama, Iyas ibn Tha'lab al-Ansari al-Harithi, radiyallahu anhu, les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, évoquèrent un jour le bas-monde devant lui. Alors il dit « Écoutez bien. » Écoutez bien, la simplicité, dans l'habillement et la manière de vivre, fait partie de la foi. La simplicité fait partie de la foi. Abu Daoud. 518. Abu Abdillah, Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, rapporte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a envoyé en expédition sous les ordres d'Abu Ubaidah, radiallahu anhu, avec pour mission d'intercepter une caravane de Quraysh. Ne disposant de rien d'autre, il donna comme provision un sac de dattes. Abu Ubaidah, radiallahu anhu, nous en donnait une par jour et par personne. Quelqu'un demanda au narrateur, « Qu'en faisiez-vous ? » Il répondit, « Nous la sucions comme le font les nourrissons, puis nous buvions de l'eau par-dessus, et cela nous permettait de tenir toute une journée. Nous frappions aussi les feuilles des arbres à l'aide de nos bâtons, puis nous les trempions dans l'eau avant de les manger. Nous nous sommes par la suite rendus au bord de la mer et nous avons aperçu au loin sur le rivage comme une immense dune de sable. Arrivés devant elle, nous avons découvert qu'il s'agissait en fait d'un cachalot. » Abu Ubaidah radiallahu anhu nous dit, « C'est une bête morte, maïta, c'est-à-dire interdite à la consommation. Avant de se reprendre, non. Nous sommes envoyés par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans le sentier d'Allah, au djihad. Et vous y êtes contraints. Alors, mangez-en. » Nous étions près de 300, et nous sommes restés à cet endroit un mois durant, à nous en nourrir au point de prendre du poids. J'ai vu par exemple certains d'entre nous puiser dans l'orbite de son œil de l'huile à l'aide de cruches ou bien découper des quartiers de viande de la taille d'un bœuf. Abu Ubaidah radiallahu anhu demanda à 13 d'entre nous de s'asseoir dans la cavité de son œil. Il prit par ailleurs l'une de ses côtes qu'il dressa, puis fixa une selle sur le plus grand de nos chameaux et passa sous la côte qui formait comme une voûte. Nous prîmes comme provision de grands quartiers de viande que nous fîmes sécher. De retour à Médine, nous racontâmes notre histoire au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui dit « C'est une grâce que vous a envoyé Allah. Vous reste-t-il de sa viande que nous en mangions ?» Jabir, radiallahu anhu, ajouta « Nous en avons envoyé une partie au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui en mangea. » Muslim. 519. Asma bint Yazid, radiallahu anha, a dit « Les manches du qamis, longue tunique à manches longues, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui arrivaient au poignet. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. Hadith jugé faible par Sheikh Al-Albani. Rahimuhallah. 520. Jabir, radiallahu anhu, rapporte. Nous étions en train de creuser la tranchée peu avant la bataille du même nom, Al-Khandaq, le fossé, lorsque nous tombâmes sur une partie du sol très dure à creuser. Nous en informâmes le prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit « J'arrive ». Il se leva, une pierre attachée au ventre, nous n'avions rien mangé depuis 3 jours, prit une pioche et en frappa le sol qui fut pulvérisé. J'allai ensuite chez moi après en avoir obtenu l'autorisation du messager d'Allah et dit à mon épouse « J'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un état que je ne peux supporter. As-tu quelque chose à manger ?»« J'ai de l'orge et une chèvre, » dit-elle. J'ai égorgé la chèvre et elle a moulu l'orge, puis nous avons jeté la viande dans la marmite. Lorsque la pâte leva et que la viande dans la marmite posée sur les pierres brûlantes fut presque cuite, je retournai auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dis « Ô messager d'Allah, j'ai un peu de nourriture. Viens avec un ou deux hommes. » Il me demanda « En quelle quantité ?» Je lui en indiquai la quantité. Il dit « C'est une nourriture abondante et bonne. Dis à ta femme de ne pas retirer la marmite du feu, ni le pain du four, jusqu'à mon arrivée. » Puis il dit, « Levez-vous. » Les Muhajiroun, les compagnons qui émigrèrent à Médine, et les Ansar, les Médinois qui leur donnèrent refuge, lui obéirent. Je rentrai chez moi et dis à mon épouse, « Pauvre de toi, le prophète arrive, accompagné des Muhajiroun, des Ansar et d'autres gens. » Elle dit, « T'as-t-il interrogé ?»« Oui, » répondis-je. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit à ses compagnons, « Entrez, mais sans vous bousculer. » Il commença alors à couper le pain en morceaux sur lesquels il versa la viande, prenant soin de recouvrir la marmite et de refermer le four chaque fois qu'il servait ses compagnons. Il ne cessa de rompre le pain et d'y verser la viande jusqu'à ce que tous aient mangé à leur faim, et il en resta encore. Il dit alors à mon épouse, « Mange-en et offre-en, car les gens ont été touchés par la famine. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, Jabir rapporte Alors que l'on était en train de creuser la tranchée en préparatif à la bataille du même nom, j'ai remarqué que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait faim. Je suis alors retourné chez mon épouse et lui ai dit « As-tu mangé ?» car j'ai remarqué que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était affamé. Elle apporta un sac contenant un sar d'orge, environ 3 kilos. Nous avions par ailleurs une petite chèvre que nous élevions à la maison. Je l'égorgeais tandis que mon épouse était en train de moudre l'orge. Elle termina en même temps que moi. J'ai découpé la viande et l'ai jetée dans la marmite. Alors que je m'apprêtais à rejoindre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ma femme me dit « Ne me couvre pas de honte devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont avec lui. » Une fois devant lui, je lui dis à voix basse « Ô messager d'Allah, nous avons égorgé une chevrette qui nous appartenait et moulu un sar d'orge. Suis-moi avec quelques hommes. » Mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'écria « Ô gens qui travaillez à la tranchée, Jabir vous a préparé un repas, allons-y. » Puis il s'adressa à moi. « Ne retirez pas la marmite du feu et ne mettez pas le pain au four avant mon arrivée. » Je suis revenu chez moi alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à la tête du groupe, me suivait. Ma femme me traita de tous les noms. J'ai dit « Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé. » Elle apporta alors la pâte dans laquelle le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, crachota en la bénissant. Il se dirigea ensuite vers la marmite et fit de même. Il dit alors « Va chercher une autre femme qui t'aidera à enfourner le pain et servez la viande sans retirer la marmite du feu. » Ils étaient près de 1000 hommes, mais je jure que tous en mangèrent avant de s'en aller, laissant la marmite en train de bouillir sur le feu et le pain en train de cuire. 521. D'après Anas, radiyallahu anhu, Abu Talha a dit à Sulaym, « J'ai remarqué que la voix du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était faible. Je pense que cela est dû à la faim. As-tu de la nourriture ?»« Oui, répondit-elle. » Puis elle prit du pain d'orge qu'elle enveloppa dans l'un de ses voiles et cacha sous mes habits, ceux de Anas, me couvrant également avec une partie du voile. Elle m'envoya ensuite chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que je trouvais assis dans la mosquée, entouré de quelques hommes. Je restai près d'eux, puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me demanda « Est-ce Abu Talha qui t'envoie ?»« Oui, répondis-je. »« Pour un repas ?» demanda-t-il. J'acquiesçai. Il dit alors à ses compagnons « Levez-vous. » Ils partirent, mais je les devançai. Arrivé chez Abu Talha, je l'informai. Il dit « Ô Sulaym, voici le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec des gens, et nous n'avons pas de quoi les nourrir. » Elle dit « Allah et son messager le savent mieux. » Abu Talha sortit pour accueillir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui l'accompagna jusqu'à chez lui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, dit « Ô Sulaym, apporte ce que tu as. » Elle apporta le pain en question. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, demanda à ce qu'il soit coupé en petits morceaux, puis Sulaym y versa du beurre et du miel, le rendant ainsi comme une purée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prononça ensuite sur le repas ce qu'Allah voulut qu'il prononce comme parole, puis il dit « Fais entrer 10 personnes ». Ils entrèrent, mangèrent à leur faim, puis sortirent. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à nouveau à ce que 10 personnes entrent. Celles-ci mangèrent également à leur faim, puis sortirent, remplacées par 10 autres encore jusqu'à ce que tout le groupe, soit 70 ou 80 personnes, furent rassasiées. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, ils ne cessèrent de rentrer par groupe de 10, si bien que tous mangèrent, puis il mangea lui-même à sa faim. Puis lorsque les restes furent rassemblés, il y avait là la même quantité de nourriture qu'au début du repas. Dans une autre version encore, ils mangèrent par groupe de 10, soit au total 80 personnes. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens de la maison mangèrent aussi, et malgré cela, il y eut des restes. Dans un autre récit, ils portèrent les restes à leurs voisins. Dans un autre récit encore, Anas dit, « Je suis allé voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un jour, et le trouvai assis avec des compagnons, un bandage autour du ventre. J'interrogeai certains de ses compagnons. Pourquoi le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a-t-il bandé son ventre ? On me répondit, à cause de la faim. Je me rendis alors chez Abu Talha, radiyallahu anhu, le mari d'Umm Sulaym, la fille de Milhan, et lui dis « Ô beau-père, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un bandage autour du ventre. J'ai interrogé certains de ses compagnons et on m'a répondu qu'il l'avait bandé à cause de la faim. » Abu Talha, radiyallahu anhu, se rendit auprès de ma mère, Umm Sulaym, et lui demanda « Y a-t-il quelque chose à manger ?» Elle répondit « Oui, j'ai des morceaux de pain et quelques dattes. Si le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vient seul, nous avons de quoi le nourrir à sa faim. Mais si un autre l'accompagne, cela ne leur suffira pas. » Puis Anas rapporta le reste du hadith.